Et voilà, depuis qu'il a été chez Atoll, papa il peut de nouveau voir son poids sur la balance. Mais voilà, il faut quand même qu'il rentre le ventre. Bénéficiez d'un examen de la vue offert chez votre opticien Atoll en prenant rendez-vous sur atoll.fr. Ce test n'est pas un examen médical, voire conditions sur atoll.fr. France Culture avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Emmanuel Kant, géant moderne de la philosophie, c'est notre série de cette semaine pour le 300e anniversaire de Kant, puisque ce philosophe allemand est né en 1724. Deuxième épisode, le Paris kantien de l'universel, en morale et en esthétique. Plusieurs points de vue moraux pour Kant, il n'y en a qu'un qui s'impose à nous dans toute situation. Il n'y a pas non plus une multiplicité d'appréciation de la beauté, il n'y a qu'un seul sentiment du beau qui ne peut se tromper face à une beauté naturelle ou face à une œuvre d'art. Mais demandera-t-on, comment Kant peut-il alors penser le cas de l'individu immoral ou bien celui de l'individu qui n'a aucun goût ? Kant répondrait sans doute que l'immoral sait parfaitement ce qu'est la loi morale, mais délibérément il l'enfouit en lui. Et que celui qui se trompe en matière esthétique manque juste d'expérience dans l'exercice de son jugement. Plus exercé, il tomberait d'accord avec tous les hommes de goût. Nous allons expliquer tout cela ce matin, ça le mérite. Nous allons essayer de comprendre cette confiance prodigieuse de Kant dans l'existence de l'universel en matière esthétique comme en matière morale. Cette confiance qui au fond est peut-être la vraie énigme de son œuvre. Comment a-t-il pu ne jamais douter ? Comment a-t-il pu être si serein à propos de l'universel ? Bonjour Maïlo Kant. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie allemande moderne à l'université Lyon 3 Jean Moulin, spécialiste de Kant. Et bonjour Elena Parten. Bonjour. Vous aussi, vous êtes une spécialiste de Kant et vous enseignez à l'École normale supérieure à Paris. Les références de vos travaux à toutes deux se trouvent sur le site d'Avec Philosophie. Et je précise que pour cette série, nous sommes en partenariat avec Philosophie Magazine qui vous propose depuis quelques jours en kiosque un superbe hors-série consacré à Emmanuel Kant. Is the world a better place without the Spartan judge? Oh my God, Jesus, no, I ask Abe. You, is the no, world a better is... place without I judge? I am so crushed, Abe. I'm completely lost. Est-ce que le monde n'est pas meilleur sans ce juge pourri? Ah, bon sang, non, non, non, non, non, non, je te repose Abe, la question. Est-ce que non, le monde n'est pas meilleur sans le juge Spangler? Je suis totalement abasourdi, Abe, complètement perdu. C'est de la folie furieuse. Je te demande de mettre de côté nos axiomes de la quotidienneté et de te fier à ton expérience de la vie. Wife, in order to really see the world, we must break with our familiar acceptance of it. The second I decided to take this action, my world changed. Si l'on veut avoir une vision juste du monde, il faut se défaire de l'acception ordinaire qu'on en a. À la seconde où j'ai décidé d'accomplir cet acte, tout mon monde a été transfiguré. Tu l'as bien vu. Soudain, j'ai trouvé une raison de vivre. J'ai réussi à faire l'amour et à avoir des sentiments pour toi. Parce que faire ça pour cette femme a donné du sens à mon existence. Je veux bien croire que tu t'es persuadé d'avoir fait quelque chose d'utile d'un point de vue moral. Mais oui, d'accord, d'accord, ça, je veux bien le croire. Mais tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de justifier. Tu n'as pas le droit de justifier ça. Par des théories à la con. Des théories à la con. D'existentialisme à la con. D'après-guerre. Ça n'a rien. C'est un meurtre. C'est un meurtre. Et ça ouvre la porte à d'autres meurtres. I don't have the intellect to refute these arguments. Je n'ai pas assez d'intellect pour réfuter tes arguments. Je ne peux pas argumenter avec toi. Mais tu m'as appris à suivre mon instinct. Et là, je n'ai pas à réfléchir sur le sujet au fond de moi. Je le sens que c'est mal. C'est un meurtre. I feel that this is no good. This is murder. France Culture avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Il s'agit d'une scène du film L'homme irrationnel de Woody Allen, un film de 2015, dans lequel le personnage masculin, Abe, incarné par Woody Allen lui-même, apprend un peu par hasard qu'un juge est en train de créer des ennuis sans fin à une mère de famille, semble-t-il très honnête, alors que lui-même, ce juge, est corrompu. Eh bien, cet homme, Abe, se donne le devoir de tuer ce juge. Il réalise ce projet. Vous venez d'entendre la discussion qui suit le meurtre meurtre entre Abe et le personnage féminin Jill, pour laquelle, même si conjoncturellement un meurtre semble bon, la défense du meurtre, en principe, dans son principe, est impossible. J'aimerais un commentaire kantien de cette situation, en particulier de cette phrase de Jill « Je le sens que c'est mal, c'est un meurtre, Elena Parten ». Oui, alors je pense que Kant serait dans les grandes lignes tout à fait d'accord avec Jill, puisque c'est parfaitement immoral du point de vue kantien de procéder à un meurtre, mais je dirais peut-être pas pour les raisons qu'on invoque traditionnellement, c'est-à-dire la désobéissance à un commandement sacré, par exemple du point de vue théologique, tu ne tueras point, dit la Bible. Kant, ce n'est pas du tout sa perspective. C'est on vérifie la moralité d'une action par son universalisation possible, précisément qui est notre thème. Et je dirais que là où, en revanche, il se distingue de ce que dit Jill, elle dit, vous l'avez noté, je sens que c'est mal. Oui. Du point de vue kantien, ce n'est pas dans le sentiment que se trouve le principe de la moralité, c'est dans la raison pratique. Et donc, Kant dirait, ma raison me dit que c'est mal, et donc la raison en tout homme. C'est bien pour ça qu'il y a une dimension universelle de cet interdit. Merci. De l'immoralité de ce meurtre. Il y a déjà beaucoup de choses, nous allons y revenir en détail. À vous, Maïlokwan, c'est comme ça qu'on dit ? Oui, on dit comme on veut. Ah bon, d'accord. J'ajouterais peut-être que le seul et vrai juge chez Kant, pour Kant, ça n'est pas un juge susceptible d'être tué, ça n'est pas un homme. Ça n'est pas un individu singulier donné. Le seul juge moral, comme l'a suggéré Elena, c'est la raison pure pratique en nous. C'est-à-dire, c'est la loi morale, c'est cet impératif catégorique qui parle en nous, comme Kant le dira à la fin de sa vie, d'une voix d'airain. C'est une injonction qui nous est faite, absolue, inconditionnée, et c'est un juge qui, du coup, est universel. Ça n'est pas un individu, on ne tue pas le juge universel de la loi morale, il est d'une certaine façon intangible, immortel, et il est présent, ce juge universel, ce critère de la moralité qu'est la loi morale, il est présent en chacun d'entre nous. Et Kant y insiste, pas simplement en chacun d'entre nous comme homme, mais en tout être raisonnable possible dans l'univers. Ce qui ouvre évidemment une perspective très large, au-delà d'un humanisme éthique, un rationalisme moral qui soit généralisé à tous les êtres raisonnables possibles, même habitant d'autres mondes que la Terre. Merci beaucoup toutes les deux pour cette entrée en matière. Décidément, Woody Allen est une bonne manière de commencer une émission sur Kant. Je voudrais, Elena Parten, s'il vous plaît, qu'on revienne à plusieurs points que vous avez dit d'ailleurs l'une et l'autre. D'abord, l'interdit, par exemple, du meurtre, mais il y en a d'autres, l'interdit du mensonge, enfin, tous les interdits moraux sont intériorisés en quelque sorte par Kant. Je crois que c'est ce que vous avez dit. Ils sont dans notre raison. C'est elle qui nous l'interdit de faire un certain nombre de choses que nous aurions par ailleurs peut-être envie de faire. Hein. Il y a des tentations. Et donc, si nous faisions, nous agissions correctement en vertu de commandements sacrés, théologiques, religieux, en vérité, pour Kant, nous ne serions pas tout à fait moraux. Tout à fait. Pourquoi ? Nous ne serions pas moraux et nous ne serions pas libres surtout et donc comptables, responsables, puisque le fait d'obéir à un commandement sacré ou à un ordre qui vient de l'extérieur introduit une logique que Kant appelle de l'hétéronomie. Il faut c'est-à-dire, expliquer, je vais expliquer, c'est exactement l'inverse de l'autonomie. L'autonomie, c'est quand on se donne à soi-même la loi et donc on obéit à une loi que l'on se donne, et en ce sens, on est libre, puisqu'on n'obéit pas à une autorité extérieure. La logique de l'hétéronomie, ce serait placer un impératif, un ordre, un commandement, qui ne viennent pas de moi, qui viennent de la tradition, qui viennent d'une autorité extérieure, qui viennent de mes parents, etc. Et donc, à ce moment-là, j'obéis à quelque chose qui est extérieur à ma propre raison. Et donc, on pourrait dire, c'est quand même une forme de servilité, peut-être à un commandement tout à fait noble, mais qui me vient de l'extérieur. Est-ce que Kant était sensible au fait que parfois des gens qui affichent beaucoup d'interdits religieux dans leur vie, en fait, ne sont pas toujours correctement moraux ? C'est-à-dire, est-ce que ce problème, cette envie vraiment d'intérioriser l'interdit moral, au lieu de le laisser dans le sacré, à l'extérieur, dans des autorités religieuses, etc., est-ce que ça voulait dire pour Kant que ceux qui fonctionnent ainsi, ce n'est pas si étonnant d'observer que parfois ils ne sont pas moraux. Bien sûr. Ils ne leur obéissent pas à ces commandements. Oui, bien sûr. C'est pour ça que ce qui importe pour Kant dans la moralité, c'est véritablement l'intention avec laquelle on fait telle ou telle action. Parce que si je le fais simplement par obéissance pour une règle, oui. Peut-être que l'intériorité du mobile, comme dit Kant, n'accompagne pas l'action que je fais et j'y obéis simplement parce que c'est comme ça, parce que c'est ce qu'on me dit de faire, et ce n'est pas ça qui permet de vérifier véritablement la moralité. C'est toujours la pureté de l'intention et pas la conformité extérieure à telle ou telle règle, fût-elle religieuse. Mais ce propos ne va que si Kant est certain que tout le monde a en soi la règle morale. C'est-à-dire que la raison ne se tait pas chez certains pour exister chez d'autres. Tout le monde a en soi l'interdit moral, rationnel, c'est ça, Maëlle Le Coin ? Oui, je dirais même que c'est le fait que chaque homme est en soi, et même tout être raisonnable possible dans l'univers, est en soi non pas simplement, comme vous le disiez, une règle morale, mais une loi morale, oui, qui oui. induit évidemment un degré d'universalité, de nécessité supérieure. Et cette liberté pratique, cette liberté de l'agir, dans son sens en tout cas le plus fort, dans son sens éminemment positif, est définie par Kant, on vient de le rappeler, comme autonomie. Alors autonomie, en français, ça vient du grec, autonomos, se donner à soi-même sa propre loi, et en allemand, il forge ce terme de Selbstständigkeit, enfin qui existe déjà dans la langue allemande du 18e, oui. mais il lui donne une connotation nouvelle qu'il emprunte en partie à Rousseau. Dans le Contrat social, dans le livre 1, Rousseau déjà définissait la liberté de l'homme comme le fait d'obéir à la loi qu'on s'est prescrite. Et Kant opère une sorte de transfert de la philosophie juridique civile de Rousseau, de sa philosophie politique, la liberté comme obéissance à la loi qu'on s'est prescrite, au champ de la moralité, en disant il se produit exactement la même chose, mais peut-être à un degré encore plus éminent, dans la morale, où nous obéissons à une loi qui est en nous, et qui est en même temps non pas une loi singulière, une loi qui serait propre à chaque individu, mais qui est une loi absolument universelle, qui est la même pour tous. De sorte que pour Kant, au fond, le sujet moral n'est pas simplement l'auteur d'une loi qui serait la sienne propre, mais il est le co-auteur, ou comme il le dit, le co-législateur, dans les fondements de la métaphysique des mœurs, le co-législateur d'un monde intelligible moral. Alors, prolongeons ce point, Maëlle Le Coin. C'est pas très simple à comprendre de l'extérieur. D'ailleurs, la façon dont vous développiez ce point, c'était de dire nous sommes libres parce que nous obéissons à une loi qui, elle, est quand même une contrainte morale très forte. Normalement, on oppose liberté et sentiment de la contrainte. C'est un classique des problèmes que pose la morale de Kant. Kant pense que nous sommes libres absolument, c'est-à-dire que nous avons du libre arbitre, mais est-ce qu'il veut dire que notre liberté, lorsqu'elle se détermine par une loi morale, lorsque elle embrasse cette contrainte intérieure, en fait, est supérieure au libre arbitre. Nous sommes plus libres en étant moraux qu'en étant juste libres par principe, avant toute moralité. Oui, tout à fait. Pour Kant, la liberté n'est pas du tout synonyme d'une anarchie licencieuse ou d'une forme d'indépendance absolue du libre arbitre, qui consisterait à vouloir ce que l'on veut dans une sorte d'indifférence, comme le disait Descartes, l'indifférence du libre arbitre. Ici, au contraire, la liberté, elle consiste non pas à agir sans loi, non pas à agir non plus sous la détermination d'une loi qui serait extérieure à nous, oui. comme la loi de la nature, par exemple. Ou la loi religieuse, comme on vient de le tout dire. Tout à fait. Oui. Mais d'obéir à une loi qui est la nôtre, dont nous sommes non pas l'auteur ou le créateur, mais que nous recueillons, qui est le fait de la loi morale, qui est le fait de la raison en nous. Et cette loi, évidemment, elle est immanente, elle est intérieure à l'homme. Et vous disiez, est-ce que la liberté, c'est au fond le contraire de la contrainte? Est-ce que c'est le fait de se déprendre, de se libérer, de s'émanciper de toute contrainte? Pour Kant, oui, c'est se déprendre de toute contrainte extérieure, oui, mais non pas de toute obligation. Intérieure. Et finalement, il redécouvre le concept d'obligation comme étant synonyme d'une contrainte, mais intériorisée. Quand la contrainte devient intérieure, ça n'est plus une contrainte, elle est synonyme de liberté. Alors, j'entends bien qu'on répète ce que dit Kant, mais enfin, ce n'est pas simple à comprendre, peut-être notamment pour des individus du XXIe siècle. D'autres penseurs sont passés depuis Kant. Elena Parten, pourquoi ne serions-nous pas plus libres si nous parvenions à ne plus avoir de contraintes intérieures? Eh bien, je vais vous poser la question à l'envers, si je puis dire. Quand je n'obéis pas à une obligation intérieure, est-ce que je suis véritablement libre? Est-ce que je ne suis pas ballottée, au fond, par mes caprices, par les circonstances? Est-ce que je ne suis pas dans la contingence totale de ma volonté? Un coup j'aime ci, un coup j'aime ça, je vogue de ci, de là. En réalité, ça implique, mais au fond, Platon l'avait déjà montré, le fait de s'émanciper absolument de toute discipline, de toute obligation, c'est finalement être esclave d'autres principes que ceux qui viennent de nous. C'est-à-dire au gré des circonstances. Agir au gré des circonstances. Que le fait d'agir au gré des circonstances, en fait, est une sorte d'esclavage, d'hétéronomie, comme vous disiez. Exactement. On se donne des principes, ici ou là, changeants. Et au fond, le libre arbitre apparent n'est qu'apparent. C'est un esclavage. Tout à fait, tout à fait. La plus haute forme de la liberté ne consiste pas à faire ce que je veux. Faire ce que je veux, c'est finalement se rendre esclave de circonstances étrangères à ma volonté. Alors que la loi morale a beau se donner comme quelque chose d'extrêmement contraignant, d'ailleurs il pense, si j'ai bien compris, que tout le monde l'éprouve. Oui, oui. C'est bien cela. Oui. Ça semble quand même extrêmement contraignant, mais comme c'est ma loi, celle de ma raison, et non celle d'un dieu, ni celle d'une nature extérieure, ni celle d'une autorité extérieure, alors l'épouser pleinement, c'est ça la vraie liberté. Exactement. Et avec cette précision que cette raison n'est pas une raison subjective, personnelle, etc. Mais comme le disait ma collègue, c'est la raison en tout homme. Donc, vous avez parfaitement raison, il y a une extension universelle de la loi morale, c'est-à-dire que tout homme l'entend. Personne n'y échappe, d'où d'ailleurs le remords que l'on ressent lorsqu'on transgresse cette loi, et qu'on entendait d'ailleurs également dans le film que vous passiez, puisque les personnages disaient « bah oui, je le regrette, j'ai du remords, etc. » Et ça montre bien que tout homme, d'ailleurs même quand on fait ce que fait Woody Allen, quand on tue quelqu'un et qu'on est capable de se justifier, en réalité on sait que c'est mal et on ressent ce remords qui est le corollaire de l'universalité en extension de la loi morale, oui, c'est-à-dire tout homme l'entend. On va revenir sur ce problème du méchant ou de l'immoral, la certitude qu'à Kant, qu'à un moment donné, il va être tenaillé par la culpabilité. On va revenir à ce point que je trouve, je dois vous dire, passionnant. Mais allons vers le texte de Kant. Qu'est-ce que c'est que l'impératif catégorique moral prononcé par notre raison? Universellement, voici un extrait très célèbre à ce propos des fondements de la métaphysique des mœurs, ce livre de Kant de 1785. L'impératif catégorique moral ne contient, en dehors de la loi, que la nécessité pour la maxime de se conformer à cette loi morale. Et il ne reste rien que l'universalité d'une loi en général, à laquelle la maxime de l'action doit être conforme. Et c'est seulement cette conformité que l'impératif catégorique moral nous représente proprement comme nécessaire. Il n'y a donc qu'un impératif catégorique, et c'est celui-ci. Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu puisses vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Et puisque l'universalité de la loi, d'après laquelle des effets se produisent, constitue ce qu'on appelle proprement « nature », dans le sens le plus général, c'est-à-dire l'existence des objets en tant qu'elle est déterminée selon des lois universelles, l'impératif universel du devoir pourrait encore être énoncé en ces termes. Agis comme si la maxime de ton action devait être érigée par ta volonté en loi universelle de la nature. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Lecture avec un très beau tapis sonore de guitare d'un texte célèbre d'Emmanuel Kant par Anna Feulpin de notre équipe. Alors Maëlle Lecoine, ça exige des explications. L'impression qu'on a en lisant, c'est que si on avait le moindre doute, est-ce que vraiment il est interdit de tuer, par exemple, le test qu'il faudrait faire, nous dit Kant, c'est essaye de voir intérieurement si l'idée de tuer n'est pas, est une règle universelle. Et il n'y a pas plus universel qu'un interdit moral. C'est ça, donc le fait de sentir. Alors je sais bien, on va reparler de ce verbe sentir, de sentir en soi à quel point ces règles est universelle, qui valide le fait que c'est une obligation morale inconditionnelle. Oui, la morale exige en nous de l'universel. Il n'y a pas pour Kant possibilité d'imaginer une morale qui serait seulement relative, contingente, qui ne vaudrait que pour certains sujets ou pour certains individus. Et donc Kant va inventer, dans les fondements de la métaphysique des mœurs, dans ce très beau texte est extrait, donc on est en 1785, il va inventer une double méthode, une sorte d'outil ou d'instrument, pour nous permettre de vérifier, de trier, de sélectionner parmi toutes nos maximes, c'est-à-dire tous nos principes d'action, celles qui sont morales, qui sont des devoirs, et celles qui ne le sont pas, qui ont aussi leur alors, utilité. Allez-y. Déployez vous-même le test, parce que c'est quand même très très important dans son alors, argumentation. Ce test, il est à mon sens double. Il consiste d'abord à soumettre notre maxime à l'universalité, en se demandant si cette maxime peut être universalisée sans contradiction logique. C'est-à-dire, est-ce que l'entendement peut tout simplement est-ce que, par exemple, voilà, on pourrait universaliser la maxime de tuer en disant que chaque fois qu'on en éprouve le besoin pour défendre sa vie, pour obtenir un gain, pour être plus prospère ou plus heureux, on tuerait, par exemple, ses adversaires. Cette maxime, dit Kant, on pourrait à la limite pouvoir l'universaliser du point de vue de l'entendement, c'est-à-dire que l'entendement n'y voit pas de contradiction logique. En revanche, et c'est là que le vrai critère d'universalisation et de non-contradiction kantien joue, en revanche, on ne pourrait pas vouloir, au moyen de notre volonté, qu'une telle maxime puisse devenir universelle. Pourquoi pas ? Eh bien parce qu'une telle maxime se contredirait elle-même, de même que pour la maxime du mensonge, c'est-à-dire tuer tout le monde chaque fois qu'on en éprouve le besoin, ou que cela correspond à une visée personnelle, dans l'intérêt pragmatique de l'individu, finirait par se contredire soi-même, non pas qu'un tel monde soit impensable, on pourrait tout à fait imaginer, penser par l'entendement en tout cas un tel monde, mais on ne pourrait pas le vouloir. C'est exactement le même mécanisme, la même méthode double d'universalisation et de non-contradiction qui vaut dans l'exemple célèbre du mensonge. On pourrait tout à fait imaginer un monde où chacun mente, c'est-à-dire où chacun, au moment où il dit quelque chose, se réserve le droit, en réalité, de ne pas tenir ses promesses ou de ne pas dire exactement ce qu'il pense être le vrai. Cela est concevable du point de vue de l'entendement. Mais ça n'est pas un objet possible pour la volonté. La volonté se contredirait elle-même en voulant une telle chose. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas vouloir à la fois le mensonge et la vérité. Car vouloir que le mensonge devienne une loi universelle de la nature et que la volonté soit elle-même législatrice en la matière et veuille imposer un tel monde, ce serait contradictoire dans la mesure où, en réalité, elle abolirait par là la distinction même entre vérité et mensonge. Donc la contradiction n'est pas seulement « Ah bah si le meurtre était autorisé à chaque fois qu'on a envie, je finirais par être tué ». C'est vrai que c'est un problème. Si j'étais d'accord pour le mensonge à chaque fois qu'on a envie, eh bien, j'accepterais de facto qu'on me mente plein de fois. Et ça, ça, peut-être que ça m'est insupportable. Mais c'est pas ça la contradiction, parce que ça, ça serait se rapporter à ses propres intérêts d'individu, des intérêts personnels. C'est pas ça la contradiction. C'est quoi la contradiction, Elena Parten? La contradiction, c'est exactement ce que disait ma collègue. Et je pense que là, il y a quelque chose vraiment à préciser et qui a été source de certaines incompréhensions et de certaines caricatures de la pensée kantienne. Disons qu'il ne faut pas identifier le caractère formel universel de la loi morale avec une pure contradiction logique. Il y a des cas, et on le voit très bien dans les exemples que donne Kant, oui, dans les fondements de la métaphysique des mœurs. Si je reprends l'exemple du mensonge, en effet, le mensonge, mentir, c'est quoi ? C'est dissimuler la vérité que par ailleurs on connaît. Parce que si on ne connaît pas la vérité, ça veut simplement dire, oui, qu'on se trompe. Mais je connais la vérité et je prends la décision de la dissimuler. Donc, le mensonge n'a de sens que par rapport à une vérité. Or, si j'universalise le mensonge, ça veut dire qu'il n'y a plus de vérité. Mais voyez que s'il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de mensonge non plus, puisqu'on vient de dire que le mensonge n'a de sens que par rapport à une vérité. Donc, on voit bien que là, il y a une contradiction in adjecto, si on veut, entre le mensonge et la possibilité de l'universaliser. En revanche, il y a d'autres exemples que donne Kant. Par exemple, l'impératif exigeant que je développe mes facultés. Oui. Vous voyez là que on n'est pas exactement dans le même cas, puisque on pourrait dire il n'y a aucune contradiction formelle à ce que je ne développe pas mes facultés. En effet. Mais exactement comme le disait ma collègue, il ne faut pas réduire la contradiction à une simple contradiction logique, parce que ce qui est en jeu, c'est ce que je peux vouloir universellement et pas seulement penser comme universalisable. Donc, je ne peux vouloir universellement que l'homme ne développe pas ses facultés parce que ce n'est pas voulable, si je puis dire. Ce n'est pas voulable, ce n'est pas pensable. Mmh. C'est pensable, mais ce n'est pas voulable, si vous me permettez ce j'adore. Néologisme. J'adore, vous dites ça en cours à vos étudiants, voulable. C'est pas mal parfois pour expliquer ça. Bon, c'est assez... C'est quand même assez difficile, cette histoire de non-contradiction. J'entends bien que c'est pas que logique, mais c'est vrai qu'on se dit, je suis désolée, hein, je joue un peu mon rôle, là, la bouche du coche, on se dit, l'individu a le droit et la possibilité de vivre dans la contradiction, non ? Est-ce que... Vous ne pensez pas que, au fond, agir, c'est toujours, et au fond, c'est ça le sens de la maxime chez Kant. Agir suppose d'assumer ce que je fais. Et donc, assumer véritablement une action, c'est être capable d'en formuler l'universalisation. Vous voyez, je pourrais vous demander, lorsque vous faites quelque chose et que vous l'assumez au sens le plus fort du terme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être capable de d'en faire une loi universelle et de postuler que tout le monde peut agir comme ça. Merci, j'apprécie beaucoup là, parce qu'on essaie d'argumenter, de défendre Kant dans ses retranchements. Je crois que c'est comme ça qu'on arrive à comprendre la force de sa pensée. Je suis en compagnie d'Elena Parten et de Mai Lequan, qui sont deux très très bonnes spécialistes d'Emmanuel Kant. Nous parlons du pari l'universel aujourd'hui dans la pensée de Kant, universel moral, universel esthétique. Je vous pose la même question, Mai Lequan. L'individu peut-il tout simplement renoncer à l'exigence kantienne, dire je m'en fiche moi d'être contradictoire, si j'ai envie de mentir et de tuer, peut-être que cette maxime « tuons et mentons » ne s'universaliserait pas, mais je m'en fiche, après tout, j'ai le droit d'être contradictoire, et d'ailleurs j'ai le droit d'être méchant. Et votre question, je crois, suppose à bon droit qu'il existe dans la liberté des degrés, différents types de degrés. Et Kant est tout à fait sur cette longueur d'onde, comme l'était avant d'ailleurs Descartes, par exemple dans les méditations métaphysiques, dans la méditation 4, Descartes disait aussi que la liberté est susceptible d'être d'être entendu selon différents degrés. Et chez Kant, cet écartèlement, ce panel, presque cette hiérarchie scalaire des degrés de la liberté prend sens. Il y a pour Kant un degré qui est le degré le plus bas, c'est celui qui vise le pouvoir de choisir, le pouvoir indifférent de choisir tout et n'importe quoi, ou comme vous le disiez, le pouvoir d'assumer subjectivement, d'être dans la contradiction. Pourquoi pas ? Kant se laisse aussi cette porte ouverte, hein, cette liberté-là de plus bas degré n'est pas exclue de son système. Et puis il y a un degré éminent, beaucoup plus haut, qui est le sens positif de la liberté comme autonomie, c'est-à-dire l'obéissance à ma propre loi, où là je ne choisis plus de faire ce que je désire, mais véritablement ce que je veux au sens fort. Et il faut se souvenir ici que Kant entend par volonté, il redéfinit la volonté de façon assez radicalement nouvelle à son époque, la volonté c'est la raison. Ça n'est pas l'autre de la raison, c'est pas une autre faculté. C'est la raison simplement entendue dans son usage pratique, c'est-à-dire praxis en grec, qui veut dire l'action. Et merci pour cette transition. Nous allons voir que pour Kant, l'usage pratique de la raison est encore plus lumineux, plus évident, plus simple que son usage théorique. Voici un autre extrait des Fondements de la métaphysique des mœurs de Kant, livre de 1785. Il n'est besoin ni de science, ni de philosophie pour savoir ce qu'on a à faire, pour être honnête et bon, même sage et vertueux. Ce qu'il appartient à tout homme de faire, et par conséquent, encore de savoir, doit être aussi le fait de tout homme, même le plus commun. Ici, l'on ne peut point considérer sans admiration combien dans l'intelligence commune de l'humanité, la faculté de juger en matière pratique l'emporte en tout point sur la faculté de juger en matière théorique. J'aimerais bien comprendre mieux ce qui est dit là, Maëlle Kouane, si vous voulez bien m'aider. Ce que je comprends, c'est ça. C'est que si j'ai par exemple un concept de triangle, je peux juger qu'il y a des choses triangulaires. D'accord ? Il me semble que c'est un jugement à partir d'un concept, la raison théorique applique. C'est un jugement, je crois, déterminant, si je ne me trompe pas, chez Kant. C'est possible, c'est pas, l'exemple que je donne n'est pas très difficile, mais je peux me tromper, c'est pas évident. Alors que moralement, lorsque j'ai un impératif catégorique, moral, de ma raison pratique, je sais toujours comment l'appliquer, quel que soit le cas particulier. C'est ça ? Oui, tout à fait. Ce que Kant dit dans ce texte, la faculté de juger pratique l'emporte sur la faculté de juger en matière théorique, cela signifie d'abord et avant tout qu'il y a dans la raison humaine, selon Kant, un intérêt beaucoup plus universel pour la morale, pour les questions pratiques, que pour les questions théoriques ou spéculatives. Et de ce point de vue, la raison est universellement intéressée par des questions morales, alors qu'elle ne l'est que très sectoriellement et chez certains individus seulement, pour des raisons d'ordre théorique, par exemple en matière de connaissances métaphysiques. Et cela dit, Kant repose sur un besoin et un intérêt qui sont consubstantiels de la raison, qui existent véritablement en elle, qui définissent au fond sa nature. Oui. La raison humaine, par nature, est intéressée par des questions morales et peut-être moins universellement par des questions théoriques. À cela, Kant ajoute que pour juger de façon adéquate, pour dire le vrai en matière théorique, il faut avoir une connaissance. Il faut avoir souvent une riche expérience du monde. Et c'est ce qu'il dit lorsque, dans d'autres passages des Fondements de la métaphysique des mœurs, il nous dit que c'est très difficile, par exemple, de savoir comment être heureux, parce que cela demande pragmatiquement une grande connaissance du monde, une riche expérience, il faut avoir déjà beaucoup vécu. Alors que, écoutez simplement le tutoiement de la loi morale, oui, écoutez cette voix d'airain qui parle en nous, c'est beaucoup plus simple en un sens. C'est vraiment simple, dans toute situation, Elena Parthen, on sait, alors c'est peut-être pas non plus le bon verbe, on va y revenir, mais il faut bien parler, quoi. C'est clair pour nous ce qu'il faut faire, appliquer l'impératif catégorique lumineux et intérieur à un cas particulier, ce n'est jamais difficile. Elena Parthen, pour Kant ? Non, je pense pas qu'on puisse dire ça, puisque ça signifierait qu'il y aurait une sorte de passivité, en réalité, et que donc j'aurais une espèce de formule, je n'aurais qu'à l'appliquer presque de manière automatique, de manière mécanique. En réalité, ce test d'universalisabilité, vous voyez, il faut déjà savoir comment poser cette question, et quand on est confronté à un cas singulier, voir exactement ce dont il est question, qu'est-ce que je dois universaliser, etc. Mais si vous voulez bien, par rapport justement à l'ambiguïté du verbe savoir, puisque vous étiez hésitante, et par rapport à ce que disait ma collègue, dans ce texte, il y a aussi quelque chose d'important dans la volonté kantienne d'isoler la morale. C'est, je dirais, l'arrière-fond un peu polémique de ce texte, qui est l'opposition kantienne à une sorte d'intellectualisme moral. Ça, c'est un enjeu très important. Donc, dans la morale kantienne. Exactement. C'est pas du sentiment, m'avez-vous dit, non. C'est la volonté. Bah, disons que ça rejoint une thèse assez simple et pour le coup assez commune, puisque vous parliez du caractère un peu exotique de la morale kantienne. Je pense qu'il y a des choses qui sont extrêmement évidentes aussi dans la morale kantienne. Kant nous dit qu'être moral, ce n'est pas la même chose qu'être intelligent, qu'être cultivé, qu'être savant. Et on sait très bien que quelqu'un peut être extrêmement savant, érudit et être une crapule du point de vue moral. Et ça, c'est quelque chose de très important pour Kant. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'on connaît la morale kantienne sur le bout des doigts qu'on est quelqu'un de moral. Ce sont deux registres totalement séparés. Ça, c'est ce qu'il dit, mais il y a cet autre point que je trouve difficile, que je ne comprends pas très bien. La faculté de juger en matière pratique, je lis le texte de Kant, eh bien, elle l'emporte en universalisation. Tout le monde peut juger bien mieux. Elle l'emporte par rapport à la faculté de juger en matière théorique. Mais vraiment, on peut bien juger. Je sais que je ne dois pas mentir, mais bon, il y a des situations. Par exemple, j'ai peur de faire du mal à quelqu'un en lui disant la vérité. Est-ce que c'est toujours facile de juger comment appliquer mon impératif catégorique moral sur un cas empirique ? Maëlle Kwan. Alors, tout homme est capable de juger moralement, dit Kant. Il ne dit pas pour autant que tout homme soit capable d'agir moralement et que l'action morale soit aisée. Du reste, on peut dire que l'action morale chez Kant, elle reste rarissime. Si nous avons l'occasion de faire un acte moral une ou deux fois dans une vie, c'est déjà immense. L'acte moral n'est pas le but visé par Kant, c'est pas son objet, c'est pas une éthique de l'agir. L'éthique de Kant est beaucoup plus une morale des conditions du vouloir, d'accord, de la vertu. C'est-à-dire à quelles conditions une volonté peut être qualifiée de morale. Et donc c'est une éthique, comme cela a été dit dans l'émission d'hier, c'est une philosophie qui porte non pas tant sur les faits de connaissance que sur les conditions de possibilité de la connaissance. De la même manière ici, ce qui intéresse Kant fondamentalement, ça n'est pas tant comment agir moralement que comment nous sommes capables de juger moralement, d'avoir des intentions morales, comment nous pouvons vouloir moralement. Et de ce point de vue, la conviction profonde de Kant, c'est que, et là on touche à ce pari de l'universel moral, c'est que tout homme est capable, au moins, au moins de juger moralement, et on est aux antipodes ici d'une éthique élitiste ou intellectualiste qui ne vaudrait que pour certains hommes, qui seraient des hommes savants, des hommes cultivés ou intelligents. Et de ce point de vue, Kant se réclame d'un double héritage, contre toute attente, celui de Socrate et celui de Rousseau, qu'on pourrait appeler un héritage de démocratisation de la conscience morale, au sens où tout homme est capable, même sans aucune science, même sans aucune culture, même comme il le dit et comme il le répète, même l'entendement le plus ordinaire, même l'homme le plus simple, est parfaitement capable de juger moralement. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Nous parlons du pari de l'universel chez Kant en esthétique et en morale. Je suis en compagnie de Maëlle Kwan et Elena Parten, deux spécialistes d'Emmanuel Kant. Alors, vous m'avez longuement expliqué, merci, quelle était cette voix intérieure qui, dans toute situation, me dit ce qu'il faut faire moralement, l'impératif catégorique, voix de la raison, donc ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une voix extérieure à moi. C'est vraiment, si j'ai bien compris, une voix intérieure de la raison. Alors, il y a aussi un universel esthétique chez Kant. Mais là, pour le coup, c'est un sentiment. Kant est persuadé que le beau existe universellement et que le critère de ce beau, c'est le fait que, face à cette chose-là, qu'elle soit naturelle ou artificielle, c'est-à-dire une œuvre d'art, normalement, alors le normalement, je ne sais pas ce qu'il faut en penser, nous éprouvons tous sa beauté. C'est un sentiment universel. Mais c'est un petit peu plus complexe, si j'ai bien compris, que l'impératif catégorique moral. Pourquoi c'est un peu plus complexe, Elena Parten ? Alors, Vous avez parfaitement raison. Je dirais que le sentiment du beau, le beau, est universel. Ce qui n'est pas universel, c'est l'objet qui est beau. C'est là où on peut avoir des différends, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui est beau ? Eh oui. Mais la beauté, le sentiment de la beauté, l'émotion esthétique, c'est quelque chose qui est présent dans toutes les cultures, à toutes les époques, vous voyez. Donc là où il peut y avoir des accords, c'est sur l'objet qui est beau. Mais ce désaccord, il est de fait. Et la thèse kantienne, c'est qu'en droit, il y a une prétention à l'universalité. Donc je dirais que c'est là, en effet, qu'il y a un décalage qui s'opère entre le champ que l'on vient d'aborder, le champ moral et le champ esthétique. C'est qu'au fond, l'universel, dans la morale, il est donné. La loi morale, une loi, dans sa forme, se caractérise par le fait qu'elle est universelle et nécessaire. Ici, l'universel n'est pas donné dans l'esthétique, mais c'est une exigence que porte tout jugement qui dit « c'est beau ». J'exige qu'autrui le juge également beau et partage ce sentiment. Et normalement, si je comprends bien, on doit réussir à s'entendre sur ce qui est beau. Vous allez m'expliquer comment on pense l'individu réfractaire, par exemple, à des normes assez communes du beau. Est-ce qu'il se trompe ? Est-ce qu'il a quand même le droit, la légitimité d'avoir d'autres critères du beau, tout en ayant le sentiment esthétique commun, mais il se porte sur d'autres objets. Cette difficulté, je vous propose qu'on la traite après avoir écouté Kant lui-même, bien sûr, dans la critique de la faculté de juger, ce livre de 1790, écoutez cet extrait. Le plaisir procuré par le beau n'est ni un plaisir de jouissance, ni une activité conforme à une loi. Pas davantage le plaisir de la contemplation qui résonne en s'appuyant sur des idées. Mais c'est le plaisir de la simple réflexion. Ce plaisir doit nécessairement reposer chez chacun sur les mêmes conditions, parce qu'elles sont les conditions subjectives de la possibilité d'une connaissance en général. Et la proportion de ces facultés de connaître, impliquées par le goût, est également nécessaire au bon sens commun que l'on est autorisé à supposer chez tout homme. C'est précisément la raison pour laquelle celui qui juge avec goût, à la condition qu'en l'occurrence sa conscience ne se fourvoie pas et ne confonde pas matière et forme, attrait et beauté, est autorisé à attendre de chacun qu'il éprouve la même finalité subjective, c'est-à-dire la même satisfaction à l'endroit de l'objet, et à considérer que son sentiment est universellement communicable, et ce, sans la médiation des concepts. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mulman. Riad Kera, de notre équipe, réalisateur, a prêté sa voix à Kant, ici, pour donc lire ce texte troublant. Nous sommes autorisés, écrit Kant, à attendre la même satisfaction de chacun à l'endroit de l'objet. Je parle d'une satisfaction esthétique, il parle d'une satisfaction esthétique. Et à considérer que son sentiment est universellement communicable, et ce, sans la médiation des concepts. Tout ça, j'ai besoin que vous nous expliquiez, Maï Le Couen, s'il vous plaît. Kant révèle et peut-être découvre dans la faculté de juger esthétique et dans ce sens commun, ce qu'il appelle le sensus communis, c'est-à-dire un sens esthétique commun, une capacité de ressentir le beau, d'éprouver des émotions esthétiques qui soient universalisables. Il révèle dans cette faculté qui est à la fois une faculté de juger esthétiquement, mais qui repose sur un sens commun esthétique, ce qu'il qualifie lui-même de pouvoir étonnant. C'est un pouvoir étonnant, il le dit au paragraphe 31 de la critique de la faculté de juger, c'est-à-dire un pouvoir qui est étrange, qui est anormal, parce qu'il abrite deux dimensions apparemment contraires, mais qui sont également importantes, et Kant ne veut renoncer à aucune des deux. Le pouvoir de juger en matière esthétique, d'un côté, abrite en lui une dimension sensible, vous avez raison de le souligner, un sens commun esthétique, c'est-à-dire une dimension subjective, singulière, personnelle ou privée, voire intime, oui, qui devrait donc être par définition incommunicable, impartageable et a fortiori dépourvu de toute universalité et nécessité. Et de l'autre, ce même jugement esthétique fondé sur le sentiment commun abrite en lui une dimension d'universalité, ou du moins un pari, une prétention, mm-hmm, une revendication à l'universel. Et c'est sans doute cette nuance qui caractérise le mieux l'originalité de la solution kantienne, à ce qu'il appelle l'antinomie du goût, entre le goût est subjectif ou non, le goût est objectif. En réalité, il est l'un et l'autre, si l'on peut dire. Si l'on ne peut pas disputer objectivement ni du beau ni du sublime, on peut du moins, dit Kant, en discuter, c'est-à-dire dépasser nos différences éventuelles et viser, à titre d'horizon, à titre d'exigence, un universel qui est seulement réfléchi, qui est issu d'un jugement réfléchissant, oui, et non pas, comme vous le disiez tout à l'heure, d'un jugement déterminant, c'est-à-dire d'un jugement qui détermine son objet en le connaissant. Donc en fait, on ne peut pas partir d'un concept, c'est ça qu'il veut dire, il n'y a pas de concept de beau, mais on peut quand même éprouver des sentiments esthétiques communs, ce qui est, je crois qu'il parle d'universalité subjective, et ça, ça c'est sûr. Voilà. Ça c'est sûr et certain. Oui, en réalité, Kant tient deux rênes à la fois, la rêne du sentiment du beau, qui s'appuie évidemment sur une dimension subjective et irréductiblement singulière, et la rêne d'une prétention à, ouais, une universelle communicabilité. C'est même pas encore un universel de la communication intersubjective des hommes, mais c'est simplement un horizon de communicabilité universelle, de droit et non, oui, pas de fait, qui est visé par Kant. Et qui m'autorise à dire, non pas simplement que cette chose me paraît belle ou me plaît, mais qu'elle est belle. Comme si finalement, on est ici vraiment sur le mode du als ob en anglais, comme si, en allemand, pardon, comme si la chose était jugée belle en vertu d'un concept universel et comme si je pouvais la connaître. Mais cet universel, on le voit bien, cet universel esthétique, impliqué avec lui ou porté avec lui par le jugement esthétique, il est en réalité doublement lointain, doublement éloigné. Il est doublement visé et seulement visé. Non seulement il n'est pas donné, hein, il est simplement revendiqué ou exigé, mais encore sa prétention n'est pas de valoir même pour tous, mais de reconnaître seulement et plus modestement en tout homme une capacité, un pouvoir, oui, de formuler des jugements esthétiques valables pour tous. Donc si on n'est pas d'accord sur un objet, l'un le trouve beau, l'autre le trouve moche, est-ce que ça veut dire, Elena Parthen, que quelqu'un a tort du point de vue de Kant? Ça ne peut pas être les deux en même temps. Alors, la question que vous posez, en fait, est celle de savoir comment Kant explique que, de fait, nous ne sommes pas d'accord avec nous. Oui. Parce qu'il y a une prétention à l'universel, très bien, mais ce que l'on constate, c'est la dissension entre les jugements sur le beau. Je dirais qu'il y a deux manières kantiennes de l'expliquer. La première, c'est que cette universalité en droit du beau n'exclut pas, je dirais, une sorte d'historicité individuelle et d'apprentissage du goût, d'éducation du goût. Le désaccord d'autrui provient du fait que le goût en matière d'art, notamment, a besoin d'être éduqué. Et donc, parfois, le désaccord est un faux désaccord. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire quelqu'un qui dit, moi, bac, je trouve ça moche. Ouais. En fait, c'est parce que son goût n'a pas été éduqué et c'est simplement une opinion. C'est pas un jugement. Pour que ce soit un véritable jugement de goût, encore faut-il être en contact, avoir écouté, être en contact avec l'objet qui permette véritablement de parler d'un jugement assumé. Et la deuxième chose qui pourrait expliquer ce désaccord, c'est quelque chose sur quoi Kant insiste beaucoup dans la critique de la faculté de juger, c'est le fait que le jugement esthétique n'est pas toujours pur. Un jugement esthétique est très souvent parasité par d'autres considérations, oui, qui sont extérieures à l'esthétique. Vous voyez, c'est l'exemple célèbre de Rousseau qui éructe devant le château de Versailles parce que sa construction a coûté des centaines de vies. Kant dit, peut-être, mais on ne porte pas un jugement moral, oui, le jugement esthétique pur que moi, Kant, j'essaye d'isoler dans la critique de la faculté de juger, implique de séparer l'esthétique de la morale ou d'autres considérations. Donc, et dans les faits, la plupart du temps, nos jugements esthétiques sont en fait parasités aussi par d'autres considérations que des considérations purement ayant trait purement au beau. Alors finissons vraiment sur ce pari de l'universel qui est magnifique. Kant pense qu'au fond, on peut s'entendre. Nous avons la même, les mêmes principes moraux en nous, nous avons tous une conception commune du beau. Ça ne se donne pas de la même façon, mais enfin, il y a de l'universalité morale et esthétique. J'ai l'impression qu'il y a des passages où Kant lui-même dit c'est stupéfiant, ce n'est peut-être pas parfaitement compréhensible. Par exemple, dans le dernier paragraphe des Fondements de la métaphysique des mœurs, il dit que nous avons peut-être un peu de mal à comprendre sans doute la nécessité pratique inconditionnée de l'impératif moral, mais ajoute-t-il, nous comprenons du moins son incompréhensibilité. C'est une formule de Kant. C'est incompréhensible, mais nous comprenons que c'est incompréhensible. Nous comprenons que c'est là, malgré tout. Est-ce pareil pour l'esthétique ? Il y a quelque chose d'incompréhensible, mais nous comprenons que ça existe quand même. Oui, cette incompréhensibilité, elle justifie, je crois, pleinement le terme de pari que vous avez vous-même mis en avant aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un pari à la fois du côté de l'universel moral et du côté de l'universel esthétique. C'est-à-dire que Kant recherche, au fond, un universel à travers le jugement pratique et à travers le jugement de goût. Et il y a, dans les deux cas, la convergence d'une même recherche, d'un même horizon, qui est l'universel. Mais toutefois, ces deux universels diffèrent. Ce ne sont pas exactement deux universels de même nature. Le pari moral vise, on l'a vu, la constitution d'une communauté éthique humaine qui repose sur un fait, sur un socle qui est parfaitement ferme et consolidé, qui est le factum rationis, l'unique factum rationis de la raison pure, qui est la loi morale. Et en même temps, l'universel esthétique, lui, de son côté, ne repose sur aucun fait empirique, puisqu'on l'a dit, si on sommait par induction tous les avis de quelqu'un, de tous les visiteurs pendant une exposition, on ne trouverait jamais deux avis similaires. Donc il n'y a pas d'universel de fait, mais il y a un universel de droit, un universel rationnel qui est visé, qui est réclamé par tous. Et je dirais que parmi ces deux universels, l'universel éthique et l'universel esthétique, celui qui correspond le plus à un pari, avec toute la dimension qui est la sienne d'incertitude, c'est évidemment le pari de l'universel esthétique. Il y a des colorants pas marrants, du mazout dans les océans, des trucs bizarres dans nos assiettes. Pauvre beefsteak, la petite Juliette et son Roméo tournent à poil dans les films porno. Y a pas plus d'amour sur pellicule que de fleurs sous le bitume. T'as beau pas être beau, oh, oh, oh, monde cinglé, j't'ai dans la peau. Y'en a qui dégainent leurs pétards pour une poignée de dollars. Y'a des bombas et des bombages qui jouent à cache-cache. Y'a le KGB, y'a la CIA, le gros Idi Amin Dada. Du sang à la une des gazettes, pauvre planète. T'as beau pas être beau, oh, oh, oh, oh, monde cinglé, hey, hey, hey, j't'ai dans la peau, oh, oh, oh, oh, oh, j't'aime, t'aime, t'aime. Faut dire qu'il y a quand même des mecs qu'on dit soleil dans la tête sur ma planète. Des mecs qui pensent pas que c'est chacun pour soi, j'ai, qui se tendent les bras, j'ai, sur ma terre à moi. T'as beau pas être beau, oh, oh, oh, oh,